là pour moi. Moi, quand je rêve de toi, je dis ne me laisse pas. Oh, reviens-moi, je dis ne pars pas sans moi. Dans mon rêve à moi, tu es encore là. Je suis dans tes bras. La la la la la la. La chaleur de ton corps me manque. Seul dans mon lit, j'ai froid. Je voudrais que tu reviennes rien qu'une fois pour serrer contre toi. La chaleur de ton corps me manque. Seul dans mon lit, j'ai froid. Je voudrais que tu reviennes rien qu'une fois pour serrer contre toi. Prends-moi, tu es gravé. Jamais je ne t'oublierai. Dans mes rêves, je sais qu'à jamais nous serons liés. Jamais je ne l'oublierai. Mon cœur est brisé. Tu n'es plus là pour moi. En moi, tu es gravé. Dans mes rêves, je sais qu'à jamais nous serons liés. Chaque premier baiser, jamais je ne l'oublierai.